Alors, Charline, vous allez nous éparpiller par petits bouts l'actualité façon puzzle aujourd'hui. Exactement, avec Venantino Venantini. Et vous savez quoi ? Il flingue plus, il peint. Il a toujours peint. Il est peintre avant d'être acteur. Sa vie est rocambolesque et il nous fait le grand honneur d'être avec nous, Venantino Venantini. Et écoutez, c'est, on est impatients. Alors c'est parti. Merci Laetitia. J'espère bien pour vous. Vai, bambina, vai. Magnifique. Montez, Venantino, je crois que vous avez Venantino. Une touche. Ouais, ça marche. C'est ma voix. C'est pourquoi on m'appelle Venantino Venantini. Chaque fois que je vais à l'étranger, c'est des difficultés folles. Bon, j'ai vu dans soi-disant des pays sous-développés, puisqu'on a des gens très mains, il faut jamais dire quels pays sont sous-développés. Oui, sinon, oui, bah ils vont s'effacer. La Belgique, quoi. Alors, l'émission a commencé, allez-y. Alors, je ne sais pas, si j'arrive là, bon. Please, your name, yes, Venantino. OK, you told me, your first name, Venantino. Venantino. Are you sure? Yes. But go on. Come on, je ne blague pas. Alors, seulement, c'était le seul qui a pigé tout ça, c'était monsieur, Gérard Dury. Ouais, Gérard Dury. Dans les Cournios, quand il se voit la première fois, il m'a dit, Venantino, bon, j'ai bien, vous travaillez très bien, mais il y a un rôle pour vous très important, et funeste, tout ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est le rôle? C'est le bègue. Pour moi, dans la vie, j'ai bégayé vraiment, c'est ça, c'est drôle. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va vous poser des questions? Laetitia, vous êtes là, vous avez déjà filé? Allez, c'est parti, Laetitia Gaillé. Il faut que je parle les autres, moi. Mais non. Ça commence bien, non. Allez, c'est parti pour l'émission. Bye, bye. Salut les amis! Salut Charline! Ah, mais il y a de bonne ambiance! Ah, mais oui, c'est parce qu'on reçoit un merveilleux acteur italien! Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit que c'est l'Italie qui va venir dans le studio! Non, mais c'est insupportable cet accent! Mais c'est parce qu'on reçoit Venantino Venantini! Mais oui! Le dernier tonton flingue! Ah, génial! Mais oui, c'est une légende le gars! Super, enfin, vous peut-être travailler quand même, trouver des sujets en rapport avec l'Italie, tout ça! Ah, bah dites donc, on est tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs, non? Ah, ça c'est une réplique de tonton ça! Ah, c'est ça, nous la café du billet, très bien! Ça va au boulot, allez! Oh là là, elle est impulsive aujourd'hui! Ah, bah méfie-toi, il y a des impulsifs qui téléphonent! Il y en a d'autres qui se déplacent. Ah, ça c'est encore les tontons. Bon, bah, très bien la tata, on s'y met, allez, on travaille. Voilà, on y va. Faites comme Guillaume, tu vois, cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. La psychologie, il n'y en a qu'une, défourailler le premier. Ah, ça c'est une réplique de Valentini. Ouais. Bah, belle référence, allez au boulot et bricolez-moi quelque chose. Bricoler Ah bah si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Et c'est reparti, elle nous en fait. Et franchement, si tu continues à citer du Audiard, nous on reprend l'accent accent italien. Mais ça n'a rien à voir, je prépare l'émission. Bah quand même, on va reprendre l'accent italien. Non, non, non, non, je ne vais pas céder au chantage de Guillaume, mais il connaît pas Charline. Ce mec, hein, il va avoir un réveil pénible. Ah bah très bien, hein, je continue à faire la Rita. Ah non, bon, les filles, si vous n'êtes pas contentes, vous rentrez chez vous, ok? C'est vrai. On ne devrait jamais quitter Montauban. Bah, elle s'y met aussi, non? Non, mais si c'est comme ça, nous, on va, tu vois, alors à ce moment-là. On fait l'émission à poil. Voilà, vous oserez pas. Oh, bah ça, les gens comme eux, ça ose tout. Mais moi, ça qu'on les reconnaît. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui contourne les lois de l'information et voici les trois actualités qui vont faire du hors-piste jusqu'à 18h. L'arme de guerre de l'Italie contre Daesh, c'est la culture. Pour 1 euro investi dans la sécurité, Matteo Renzi veut 1 euro investi dans la culture. Puisque la fermeté a l'air de vous réussir, je vais vous donner l'occasion de vous distinguer. Et à propos de quoi? D'argent. Mais qu'est-ce que c'est, une révolte? Non, sire. Une révolution. Italie toujours, où on ne parle plus de réforme du marché du travail, mais de Job Act. Alors les Italiens, à leur tour, chassent l'anglicisme. Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. De l'anglais, il en est question, mais parlé par le juif new-yorkais le plus célèbre du cinéma, Woody Allen, qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Et pour accompagner, j'ai à côté de moi celui qui flingue et qui blague, c'est Alex Vizorek. Mais c'est vous qui flinguez, on vous reconnaît, une belle équipe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des tontons, mais c'est des flingueurs. À 17h20, dans une interview donnée au quotidien 20 minutes et parue hier, notre philosophe déclare « Je rêve de voyager avec un slip et une brosse à dents ». Et me vient cette question, mais pourquoi un slip, André Manoukian? Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? On va parler d'une musique qui vient directement du cosmos pour nous chatouiller les tympans. superpose. C'est génial, je viens. Voilà, c'est un gars qui fait de l'électro, mais je vous le conseille, surtout par les temps qui courent. Très bien. À 17h30, celui qui a déclaré à Mauvaise Foi Magazine, en répondant à la question, vous arrive-t-il d'induire la réponse de vos interlocuteurs ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. C'est Guillaume Meurice. Je ne vois toujours pas. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu ce matin aux Assises de la Recherche Stratégique, organisées par qui ? Le CSFRS. En collaboration avec l'IHEDN et l'INESJ, bien évidemment. Et à 17h40, dans une interview aux confrères de Mauvaise Foi Magazine, Excellent Foi Magazine, elle a déclaré « Oui, Johnny Walker est un bon coup ». C'est Juliette Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. De quoi on parle ? Eh bien, du dernier, du livre « Les mémoires de Venantino Venantini ». Oui, nous sommes accompagnés d'un référent de la Repubblica qui vient présenter cette émission. Vous êtes né sous Mussolini. Eh oui. Je suis bélier quand même. Vous participez à la course de chars dans Bénur en 59, c'est l'année des 400 coups de François Truffaut. Vous êtes le Mickey le Bègue dans le Corneau en 65. Eh ouais, quand Sylvie et Johnny se marient. Vous jouez dans La Folie des Grandeurs en 71, c'est la naissance alors de Charlotte Gainsbourg. Et vous êtes le dernier tonton flingueur. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, votre nom c'est... Je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Oui. Je ne me souviens pas qu'on... je sais que j'ai 86 ans. Alors, Adela, quel âge as-tu, Venantino ? Je m'appelle Venantino Venantini. Et alors, Venantino, qui n'a jamais quattrini, qui n'a jamais des sous, c'est en italien. Mais c'était seulement Gérard Doury qui l'avait pigé, dit « Venantino, ton nom est trop long. Alors, je peux t'appeler VV, mais fais ce que tu veux. » Il vous appelait VV. Oui. Alors, un petit détail, Gérard Doury, il était complètement chauve. Mais les premières fois, je le vois, c'était à Naples, il était chauve et dans sa poche de sa veste, il sort les peignes et il se peigne. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait deux ou trois cheveux, pas 10 ou 12. Il avait deux, et il pigeait sur le temps sans arrêt. Moi, j'étais impeccable. Lui, il me dit, non. Il avait pigé, qu'il avait pigé, qu'il n'y avait pas de cheveux. Les gars, j'ai trouvé mon maître. Venantino Venantini, le dernier des tontons flingueurs. C'est le titre de votre autobiographie qui paraît chez Michel Lafon. Eh oui. Alors, vous êtes d'abord peintre avant d'être acteur. Et d'ailleurs, on peut voir vos toiles à la mairie du 9e arrondissement de Paris jusqu'à demain. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et vous êtes donc d'abord peintre avant d'être acteur. Vous avez fait les Beaux-Arts à Paris avec comme professeur Georges Braque, notamment. Votre vie est aussi rocambolesque, on va en parler avec Juliette Arnaud tout à l'heure. Votre autobiographie, c'est un roman d'art et d'aventure. Alors, je me suis dit, est-ce que Venantino Venantini, de votre vie, de votre autobiographie, vous en feriez plutôt une fresque ou plutôt un film ? Ça serait très, très liquide. Ça serait une bouteille d'eau et une bouteille de vin, parce que si ça passe... Jamais deux fois sur le même endroit. Donc, je suis un poète aussi. Un peu un gitan aussi. Ah, vous êtes un peu gitan. J'adore les nuages. Mais quand même, non. Je suis né, je ne sais pas, par hasard comme ça. D'ailleurs, quand on m'a baptisé, et le prêtre a demandé à mon père, pas à ma mère, m'a dit, mais pourquoi vous avez mis un nom pareil, Venantino ? Pourquoi ? Il n'y a pas sur le calendrier Venantino, sans Venantino. Et mon père, il a dit, mais non, ne vous en faites pas, il sera enceint un jour. San Venantino. Ora pro nobis. Jean-Paul II est avec nous. Alors, le cinéma et la peinture sont très très liés dans toute votre vie. Le cinéma est d'abord alimentaire. En fait, le cinéma, c'est arrivé par hasard. Et il y a un épisode que vous racontez de votre vie dans ce livre. Il y a un moment, vous commencez vraiment à tourner. C'est intéressant parce que le film se fait à Tahiti. Donc vous vous dites, je vais y aller quand même pour exactement, le faire. Oui. Voilà. Et puis, finalement, vous restez un an là-bas, vous vous installez, vous peignez, et puis vous vendez une toile à quelqu'un. Alors, j'avais terminé ce film à Tahiti, et le contrat c'était... Tu es né à Paris quand même, je peux dire ça, ça oui, vous dérange pas. Non, allez-y. Hein, sinon, je vais... Vos gueules, cher. Alors, ça commençait à Tahiti, parce que je faisais les Beaux-Arts à Paris. Mais à Paris, j'étais un beau gosse quand même. Je faisais la figuration spéciale pour Ben-Hur, Coadis, Cléopâtre, tout cela. C'est là, il nous a... Rome, on avait toujours faim et les Américains nous ont payé très bien. J'ai connu Bianca Latoada, c'était la sœur du grand metteur en scène. Et alors, j'étais devenu à Milan, j'ai dit, Bianca, j'ai gagné une bourse, je vais faire reposer à Paris. Ah, c'est bien, mais laisse-moi des photos de toi, parce que pourquoi? Parce qu'on sait jamais, il y a souvent des directeurs, des registres italiens, ils vont à Paris chercher des comédiens ou ça. Bon, je pars 10 ans après, il va à Paris, mais j'ai fait reposer, ok, malaké. Où il y avait ces mecs, les custodes, les gardiens, il avait un chapeau comme les officiers russes. C'est comme une poêle pour faire des frites. Comme ça, la tête. Il y avait, c'était une hein. École supérieure des beaux-arts. Il fallait tourner tout pour regarder comment elle... Bon, bref. Il était, alors, je vais à Paris. Et un jour, il y a un metteur en scène italien qui vient. Et d'ailleurs, il parlait rital, lui, hein. Et il m'a dit, hey, Venatino, moi j'étais au premier étage, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un retard pour toi, il y a un retard pour toi. Fais monter, il monte, c'était Pietro Germi, un grand metteur en scène italien, divorce l'italien, tout cela. Il me regarde, il m'a dit, bon, c'était Bianca Latoada de Rome qui m'envoie chez vous, et moi, vous êtes le personnage parfait pour mon film, c'est le pasticciaccio de Via Merulana. C'est trop long ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Le pâtissier de... Je vous laisse parler. Stai zitto, tu. Alors, mais... N'oubliez pas ma question, Venantino. Non, je l'aime beaucoup, lui. Il est bien. Ciao. Il se passe quelque chose entre Venantino Venantini et André Manoukian. Ah, oui, je sens qu'il y a une connexion. On fait une deuxième session. Si vous voulez, je raconte la fin. Je termine. Les Beaux-Arts vous amènent à dessiner à Tahiti. Oui, parce que les Beaux-Arts, on n'apprend rien, finalement. Ça sert à rien. C'est important de le dire. Mais moi, j'aimais Georges Paris. Georges Braque, il ne vous a rien appris. Parce qu'après, il y avait les filles qui faisaient l'amour en Italie. Non, on ne faisait jamais l'amour. Les filles, on ne te la donnait jamais. Enfin... Puis les filles italiennes, ils avaient des poils dans les jambes, c'est comme des bois. Ils avaient... Il y a un bitton américain qui disait, comment on reconnaît un avion d'Alitalia? On les connaît par les poils sous les ailes. Et j'avais dit, ah la vache, pauvre Italie, c'est vraiment, on était battraqués par tous. Bref, alors on était où je lui dis, alors. Je lui dis, non, je ne peux pas parce que je suis peintre. Alors il m'a dit, oh, c'est la première fois que dans ma vie, je lui mettais en cercle, quelqu'un me dit non, je me mets ici, et il s'en va. L'année suivante, je te le dis plus tard, ça. Allez, parlez-vous. Moi, je veux en venir au moment où vous acceptez... On coupe nos chroniques, hein, s'il faut. On veut la fin. Donc, j'arrive au moment où vous acceptez de tourner, parce que c'est à Tahiti, mais là-bas se tourne un film avec Marlon Brando. Alors, ça, donc, pour aller à Tahiti, c'était l'année suivante. Bon, bref, c'est à lui qui pense à toi. Non, je l'ai dit. Je suis logoroico. Alors, la culture, ça, c'est du grec, logos, c'est les dialogues, parler. Calispera, Calimera, Calimita, etc. Ça, c'est grec. Vous racontez tout le livre, les gens n'auront plus intérêt à l'acheter. Je te demande rien. Peut-être pas en anglais. Je vous adore, vous êtes formidable. Mais nous aussi, on vous aime. Et d'ailleurs, Venantino Venantini, on peut dire que vous avez peut-être le silencieux, mais. Non. En bouche. Quand vous me demandez, qu'est-ce que c'est pour vous, les luxes, Venantino? Les luxes, c'est les silences. Donc vous êtes pauvre. Mais pourtant, vous avez vendu votre première toile, vous l'avez vendue à Marlon Brando, c'est fou. $300. Non, ça c'était très beau, il était beau, mamma mia. Ah oui. Il était vraiment beau. 1m50. Plus beau que vous. Tous les grands comédiens sont tous petits. Donc moi, je suis un mauvais comédien parce que j'ai fait 1m88 d'abord. Ensuite, c'était Franco Rossi qui vient, il me dit alors, j'ai fait un film, non? Et j'ai dit non, merci. J'ai dit comme à Germi, non, je ne peux pas parce que j'aime la peinture. Moi, je suis fou de la peinture. Et puis il s'en va, pendant ça, il dit, mais dites-moi par hasard, où est-ce que vous allez faire les films? Mais ça t'intéresse. Mais je ne sais pas, dis-moi où. Dans la mer du Sud. Où? À Tahiti. Oh, Gauguin, tout ça. Oui. Ah oui, dis, vous êtes fan de Gauguin. Il faut faire dire. Un essai. On m'a envoyé à Joinville-le-Pont. Vous connaissez Joinville-le-Pont? C'est un peu comme Tahiti, mais en différent. Vous êtes sûr? C'est où Joinville-le-Pont? Réponds-moi, où c'est? C'est en banlieue parisienne? Non, c'est pas, il n'a pas compris. Il y a des guinguettes? Si, c'est ça. Mais oui? Oui, c'est ça, c'est pas loin. Ça passe, j'ai pas pour Tahiti. Tahiti, il n'y avait pas de porte d'aéroport. On arrivait avec des porte-avions. Ah oui, parce que vous n'êtes pas allé en péniche de Joinville-le-Pont à Tahiti. Porté et guidé par des pilotes néo-zélandais, parce qu'ils disaient que les Français, ils ne savaient pas conduire les porte-avions parce qu'ils tombaient tous dans l'eau. Ça n'a pas changé. C'est con. On salue le Charles de Gaulle. Quand il y a Tahiti, on termine les films, nous, c'était un grand film, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. voilà qu'il arrive là, soit un centre du fax ou un maître Gurdjieff-Meyer, Brando qui venait pour les bandes, mutiny ou des bandes. Révolté du bonté. Oui, oui, oui. Alors, quand il arrive dans le porte-avions, quelqu'un va le chercher avec la barquette, la barquette, il arrive sur les quais. La production américaine avait loué une vingtaine di vaine, di figlie. Ah, c'est bien. Belle, c'est là. Ah. Et on lui a donné une vingtaine de couronnes de fées de tiare. Ils sont dit, écoute, dès que Brando arrive, ne vous trompez pas, donc mettez-lui tout de suite la couronne de fleurs dans la tête. Brando débarque, il avait la chemise, les manches courtes déjà. Les filles, voilà, ils ne savaient pas qui était Brando. Alors, quelqu'un dit, tu es Brando, toi, Brando, c'est Brando. Alors, j'ai compris que Brando dit, merde. Qui non mi si caga nessuno come dire in italiano. Ici tout le monde se fout de moi. Se fout de moi, donc ça c'est mon pays. Et d'ailleurs, il s'est acheté une île et il a marié Tarita. Et voilà. Et puis et après, dans la deuxième épisode, je te raconte. Oui, gardez-en un petit peu. Valentino, gardez-en un petit peu. On veut avoir la fin Charline, de l'histoire. Charline, tu es formidable. Oh, je vous aime, Valentino. You're a movie star. Moi, je vous suis. Je vous suis à Tahiti. Si vous voulez peindre du nu, etc., je pose après, pour vous. Non, il y a des avec du poil sous les ailes. Mais avant, on va faire un petit peu d'information, Valentino. Vous êtes d'accord? On allait l'oublier. Allez, c'est parti. Oui. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, Nicolas Sarkozy se plaint qu'il n'y en ait que pour la COP21 dans les médias. Est-ce que ce reproche pourrait être dû au fait qu'il n'était pas sur la grande photo de famille de la COP? Non, ça je ne le crois pas. Pour Manuel Valls, Karim Benzema ne devrait plus jouer en équipe de France de football. C'est la première fois que Valls sort de son équipe un mec qui a commencé à gauche avant de se retrouver au centre droit. Et il y aura des brèves, parce que raconter des conneries le plus rapidement possible, c'est ma spécialité. Nicolas Sarkozy le dit, et malgré tout, c'est vrai, on parle énormément de la COP21 dans les médias. Et même des à côté de la COP21, notamment de ce dîner hier soir dans un restaurant parisien, dîner entre Hollande et Obama. Le JT de France 2 avait d'ailleurs posté Maryse Burgot devant le restaurant Place des Vosges en duplex, et elle avait des sacrées informations. Ils vont évoquer les frappes en Syrie et en Irak, et le terrorisme de façon plus générale. Alors, plus anecdotique, le menu réel cette fois, Barack Obama devrait manger du poisson et une tarte fine au chocolat, un nuage de chocolat, nous dit-on. Un nuage de chocolat, on est content pour eux. Un nuage de chocolat, nous dit-on, hein, qui prouve qu'elle a posé la question à quelqu'un. Ah bah ça, elle a pas loupé son travail d'investigation, hein, Marie. Ah non, mais comme on est en duplex, c'est en début de journal, il est 20h07. Bon, on s'attend à de la grosse info, par exemple, les frappes en Syrie, Maryse, qui pourrait prendre la décision? C'est en fait Barack Obama qui a demandé à dîner en ville. C'est assez souvent qu'il préfère découvrir un restaurant parisien plutôt que d'être reçu dans les salons de la présidence. Oui, on a compris, Maryse, qui se tapait la cloche, mais on s'en fiche un peu. On aimerait savoir, par exemple, je ne sais pas moi, le chef de l'armée française, est-ce qu'il est stressé? On imagine le stress du chef de ce restaurant. Il n'a été prévenu qu'hier soir qu'il avait été choisi par l'Élysée. Généralement, son restaurant est fermé le lundi. Il a dû rappeler son personnel et se mettre au plus vite au fourneau. Oh, le pauvre, il était en congé. On l'a rappelé pour lui donner du travail. Ça, c'est une vraie info, Maryse. François Hollande qui donne du travail un jour à un type qui n'en avait pas. En fait, c'est un magnifique duplex. Et moi, j'ai envie de vous dire... Merci Maryse. Oui. Merci Maryse. Oui, merci Maryse. Politique toujours avec la femme d'Emmanuel Macron, oui, qui assiste bénévolement aux réunions de cabinet de son mari. Brigitte Macron s'est mise en disponibilité de son emploi et conseille gratuitement son mari. Faire travailler les gens sans les payer, il traîne trop MEDEF Macron. Élection régionale contre le paquet neutre, des buralistes appellent à voter neutre. Oui, pour régler tous ces problèmes, moi je propose au gouvernement de lancer une grande conférence tabacologique, la COP 21. Sport à présent. Oui, d'après plusieurs journaux, le FC Barcelone ne renouvellera pas son contrat de sponsoring avec Qatar Airways. En cause, les liens présumés entre le Qatar et plusieurs organisations terroristes. Ah, donc il n'y a pas que sur le terrain que Barcelone est supérieur au Paris Saint-Germain. Ah non, et vous ne pensez pas si bien dire. Pour trouver cet article publié il y a deux jours sur l'équipe et titré « Le FC Barcelone lâcherait le Qatar en raison de ses liens avec le terrorisme », eh bien j'ai recliqué aujourd'hui sur ce même lien. Oui, merci de nous raconter votre vie. Non, mais vous allez voir que c'est très intéressant parce que le lien n'existe plus aujourd'hui. Le lien, il y a marqué autre chose sur la page. Vous êtes journaliste d'investigation maintenant. Oui, bah c'est autre chose que Maryse Burgot, si vous voulez. Sur la page, il est écrit « Désolé, la page que vous cherchez n'existe plus ». Alors qu'ils auraient dû écrire plus honnêtement « Désolé, mais le PSG nous a passé un coup de fil, nous menaçant de ne plus donner d'exclusivité à nos journalistes. Nous avons donc choisi de marcher sur notre déontologie ». Merci pour cet éditorial. Voilà. Hein. Sport toujours, Manuel Valls ne veut plus que Karim Benzema joue pour l'équipe de France. Oui, et on ne sait pas bien ce qu'il va faire, ce pauvre garçon, parce que vraisemblablement, il n'est pas doué non plus dans la revente de vidéos pornographiques. Et on termine par l'information primordiale du jour. Et oui, le champion du monde de pâté en croûte est belge. Non. Bim. Ouh. Devant les Pyrénées-Atlantiques et New York, c'est génial. Le roi, la loi, la liberté. On est champion du monde de pâté en croûte, Venantino. Et oui, Venantino, Venantini. Pâté croûte. Je suis jaloux de toi, tu es trop bon. Oh, arrêtez. Venantino Venantini qui a passé une partie de sa jeunesse à faire des frites pour séduire une jeune Belge qui est son premier amour. Vous le racontez dans Le dernier des tontons flingueurs aux éditions Michel Lafon. Et si vous le lancez là-dessus, on zappe le sujet. Il est dans les bouquins, là, dans les livres. Bien sûr. Bouquins, c'est édité par Lafon. Oui. Et ça s'appelle Venantino Venantini. Quel prix ? Le dernier des tontons flingueurs, dépêchez-vous. C'est un beau cadeau de Noël, parce que je peux vivre encore. Mais non, vous êtes très alerte, Venantino. Non, c'était. Donc, j'étais dit, une pénurie. Non, pénurie de sexe en Italie, on avait. Beaucoup de femmes. Mais... Une pénurie de sexe ? Non, oui, c'est parce que non. C'est rare, c'est vrai. Les femmes italiennes étaient très belles, mais on avait deux choix. Ou les bordels ou les mariages. C'est des Chinas Caridi, tu comprends? C'est des finalement. De Caribe aussi, là. Donc, on ne te la donnait jamais. On te la promettait, on ne te la donnait jamais. L'espoir de ça. Bref, alors, il y avait Pâques. Alors, Pâques, c'est le rassemblement de tous les chrétiens de l'Europe. Pas les chrétiens, de tous les chrétiens non, de l'Europe. Oui. Des fois, c'est les mêmes. Tu es chrétien ? Taisez-vous, non ? Taisez-vous, Guillaume Meurice, les créants. Alors, tout le monde allait à Piazza San Pietro, et nous, les jeunes, on s'est tous, on s'est rués vers San Pietro pour draguer les filles, parce que les étrangères. Il y en a fait où l'Église a mis la main dessus le pays, on faisait très peu, presque rien. Voilà, on faisait. Mais c'est vrai, des pays libres, allez, chérie. Mais oui, donc vous êtes mieux en France. Nous, il y avait une pénurie de sexe, vraiment. Mm. Bref, et on allait à la Saint-Pierre chercher chacun. J'étais un beau gosse, je me dis, elle est belle. Il peut parler anglais. Where are you from? From Minnesota. Minnesota, c'est américaine. Vous n'aimez pas les américaines? Non. Moi, j'ai une femme, je suis mariée aux États-Unis, une femme américaine. Marlene, how are you? Alors, c'est fine. Bref, non, c'est vrai. Alors, dans les Américains, il y a les gros, les moins gros, les baby dolls, il y a tout ça. Ils ont des kilos de sein. Des kilos de sein, ah oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai vu dans du coq à l'âne. Non. Mais on vous suit, Venantino. Il y a Cesare Pavese, le grand écrivain italien, qui a écrit Le métier de vivre. Et quand il parlait du sexe, il a dit. Du sein. Il dit, tu vois, c'est pas loin. Il disait, mais les seins, qu'est-ce que c'est le beau sein? Il disait, le beau sein, celui avec, quand il met la main, il reste dedans. Tout ce qui est dehors, il faut couper. C'est exactement ça. Elle est ravie. Mais oui. Tu vois, Vous êtes libre ce soir, oui. Et voilà. Et ça y est. Alors moi, je travaille Venantino Venantini depuis ce matin. Et c'est Juliette Arnaud qui va partir avec. Parce qu'elle a lu le livre et qu'elle n'a pas compris. Voilà. On va parler de quoi? Alors vous savez quoi? En fait, on allait parler de Matteo Renzi. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que... Matteo Renzi, oui, vous le mettez. Il est toscan et florentin, ils sont terribles, florentins. Oui, c'est très. Voilà. Il est, disons, dans un. Moi, j'ai voté pour lui avant parce que j'en avais marre. Parce qu'on ne peut pas parler de politique ici. Si, on doit. C'est le secret des ennemis, regarde la guerre qu'il fait. Mais vous ne votez plus pour lui. Voilà, non, il a changé énormément. Il y a beaucoup de blablabla. Ah, d'accord. Alors, vous savez quoi, on va plutôt passer à André Manoukian. Berlusconi a fait du blablabla pendant 21 ans. Berlusconi ha governato l'Italia per 21 anni. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est devenu plus riche, il a fait seulement bunga. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas fou. Si c'était un vrai homme d'État, il aurait fait des choses. Il n'a rien fait. On a reculé tout cela. Et alors, l'Italie, c'est un pays compliqué. Très intéressant parce que c'est un pays très disomogène. C'est un pays vertical. Ouais. Entre Rome et Naples, il y a 180 km. C'est des mondes à part. entre Naples et Salerno, c'est un monde à Padre, la Sicile, c'est tout à fait. L'Italie, c'est intéressant pour soi, parce que c'est un pays anormal, anomale en Europe. Ouais. Quand moi, j'ai dit l'Italie, c'est pas l'Europe, c'est l'extrême nord de l'Afrique du Nord. La Calabre, c'est la Calabrie saoudite. C'est pas marrant de faire ce jeu de mots, je pense. Ils se fâchent parce qu'ils sont l'Andrangheta. Oui, ça les énerve. Je crois que contre les GIS, il faudrait l'Andrangheta. Je suis sûr qu'ils vont gagner. Venantino Venantini est avec nous et il parle presque autant qu'André Manoukian. C'est mon Donc maître. Donc profitez-en, ah, allez-y. C'est mon maestro. Allez, nous, on va écouter de la musique qui vient du cosmos. Il y a des sons qui lavent la tête, il y a des ondes qui purifient et il y a enfin de la spiritualité dans les machines. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des électriciens qui font de l'art, il y a des gars qui ont la grâce comme Superpose. Superpose, ça s'écrit S-U-P-E-R-P-O-Z-E. Comme il faut être gonflé pour oser des tempos aussi lents, comme il faut être serein pour étirer des textures sonores en longues nappes denses et mouvantes, comme le brouillard sur les Highlands ou alors la brume sur les yeux de Charline. Comme il faut être Merlin pour créer un vent digital et le faire moduler sous ses filtres avec l'habileté d'une sirène qui fait vibrer ses cordes vocales. Venantino, vous savez d'où vient la voix ? La voix, elle est fabriquée dans le bas-ventre, en fait, par la contraction des muscles du périnée. Donc la voix part du triangle magique des Bermudes, elle remonte la colonne d'air, elle passe le diaphragme et la poitrine, elle atteint la gorge où l'air vibre et fait vibrer les fines membranes des cordes vocales qui ressemblent à quoi, les cordes vocales? Ça ressemble à un vagin. Que celui qui n'a jamais vu une endoscopie des cordes vocales me jette son stérilet afghan en pleine poire. Le son ensuite remonte au fond de la boue, au fond de la gorge. Il fait vibrer les résonateurs des joues, du front, du nez. Il excite enfin les molécules d'air qui, poussées les unes contre les autres, vont onduler jusqu'au tympan de celui qui écoute. Les tympans vont vibrer à leur tour, provoquant un courant électrique qui se propage jusqu'à la lèvre supérieure et fait transpirer la moustache. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est la voisine. Voilà comment ça se passe avec la voix. Eh ben, Superpose, S-U-P-E-R-P-O-Z-E, il fait pareil avec l'électricité. Il la rend organique. On a l'impression qu'elle a été conçue dans le bas-ventre d'une déesse géante qui se serait assoupie sur une plage de l'Atlantide et nous enverrait un soupir d'aise à son réveil. Alors on se pose des questions. Les robots ont-ils une âme ? À quoi rêvent les moutons électriques ? Superpose à la réponse. Les pulsations de ces drums sont vivantes. Elles témoignent d'un corps qui nous englobe tous. Une nature se dessine devant nous et un bestiaire nouveau. Au fond, il nous propose la seule réponse optimiste face aux angoisses de l'autre nature, celle qui se meurt à cause de l'homme. À l'anthropocène, cette ère géologique qui signifie l'influence de l'homme sur les bouleversements de la Terre, répond l'anthropomusique de Superpose. Une nouvelle ère musicologique qui signifie l'influence de l'homme sur l'électricité, transformée en vagues sonores, apaisant nos cerveaux malmenés par la surinformation globale. Superpose produit des ondes alpha avec ses générateurs. Écoutez-moi ça. Des ondes qui apaisent nos neurones survoltés. Le retour à la vibration primordiale semble être sa quête. Une légende hindoue dit que nous avons tous une note de musique. Et qu'en l'accordant à celle de l'univers, on trouve la paix, on ressent enfin l'harmonie du cosmos. Au commencement était le Verbe, nous dit la Bible. Allah insuffla l'âme à l'homme pendant qu'un ange chantait et le roi Salomon jouait de la lyre. Au commencement était le Verbe, ça veut dire qu'au commencement était le son. Des astrophysiciens américains ont trouvé le son fossile du Big Bang en 1964. Superpose est un pionnier de cette espèce, sauf que ses travaux sont orientés vers le beau, vers le bon. Du son, on peut faire une âme qui tue. Du son aussi, on peut faire un lien qui réunit. C'est ce que fait Superpose. Il nous fait rentrer dans un monde nouveau, zen, sans gluten, débarrassé des énergies fossiles et nous fait presque atteindre le stade suprême de la sexualité solaire. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois, Charles. Mais ça, c'est un vaginologue. Il a trouvé. Thank you. Toulouse, chronique proposée par André Manoukian. Ouais, il vient de Caen, du Calvados, aucun rapport avec la choucroute, mais simplement pour dire que voilà, c'est un terrien, il vient pas que du cosmos, mais voilà, grosse émotion, c'est la première fois que la musique synthétique me fait ce truc-là. Eh oui, et nous, grosse émotion parce qu'on reçoit Venantino Venantini, le dernier des tontons flingueurs, c'est votre autobiographie chez Michel Lafon, et si vous êtes à Paris, allez voir l'exposition de ses peintures à la mairie du 9e arrondissement, c'est jusqu'à demain, et Venantino Venantini, on peut aussi vous voir dans le dernier Claude Lelouch qui sort en salle le 9 décembre. Claude Lelouch qu'on va recevoir d'ailleurs bientôt. Mardi prochain. Et vous voilà. Êtes le papa de Jean Dujardin dans le film. Alors, mais par hasard ou non, je tournais aussi un autre papa, le papa de Cadmerade. Oui, dans Marseille. Ça s'appelle Marseille. Film, alors, de seulement, c'est celui de José Lelouch. C'est un papa que lui, il n'a pas vu. Il ne savait même pas qu'il avait un papa qui a 40 ans. Parce que lui, c'est un musicien et Jean Dujardin. Que j'adore. Tu vois, j'ai commencé à bégayer parce que demain il va pleuvoir peut-être. Alors, le film de Claude Lelouch s'appelle 1 plus 1. Alors lui, il voit ce père, ou est-ce qu'il est mon père, ou demain, enfin on voit moi, petit rôle mais important. Ouais. Je suis clochard, je joue la guitare à Roma, et lui dit, c'est ça mon père, et puis bah, il me ramasse, il me nettoie, il me brosse. Oh, ne racontez pas tout, hein. Parce qu'il faut en garder pour le film. Tandis que l'autre Lelouch. Papa. De Cadmerade. C'est un papa qui a perdu la mémoire, un petit peu comme moi aujourd'hui. Donc, je n'ai rien parlé. Donc, c'est formidable. Je suis toujours lui parce que. C'était bien. Donc, vous avez dû vous faire violence. Il trouve la vérité, il trouve la parole, il trouve la sua parole. C'est un très beau film. J'ai beaucoup aimé. Et on va laisser la parole à votre camarade à droite. Il y a quelqu'un à ma droite. Oui, regardez, c'est Guillaume Meurice. Écoutez-le. C'est quelqu'un, oui. Ah, il fait du reportage. Bonjour, comment ça va? Je suis assis. Allez, bon, c'est le moment, Meurice. J'ai le chef des fesses. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu d'état d'urgence, parce qu'il est toujours en action, toujours partout en France. Sarkozy a même déclaré en meeting à Rouen qu'aller voir des images de djihadistes sur Internet fait de vous un djihadiste, ce qui fait de chacun de nous autour de cette table soit une actrice porno, soit un chaton, soit Michel Thor, pour les plus pervers. Bref, tout le monde est sous surveillance. Et aujourd'hui avait lieu à l'école militaire de Paris les assises de la recherche stratégique, soit un grand colloque des services de renseignement français. Que des pointures du renseignement. Enfin, que des pointures. Bon, première faille dans les services de renseignement français, ils m'ont donné une accréditation. Ils m'ont pris pour quelqu'un de sérieux. Donc les mecs étaient déjà pas hyper bien renseignés, a priori. Première boulette. Mais tant mieux pour moi, j'ai pu rencontré plein d'agents secrets et j'ai d'abord voulu les tester. Est-ce que vous êtes agent secret ? Non. Mais si vous l'étiez, vous pourriez pas me le dire. Je pense que c'est une évidence. Donc vous l'êtes pas ? Non, je ne le suis pas. Mais si vous l'étiez, vous me le diriez ? Ben non, évidemment. Bien joué, bien joué. Test réussi, hein, je vous avais prévenu, c'est des cadors les mecs. Bon, on pouvait passer aux choses sérieuses. La question posée à ces assises est simple. Qui est l'ennemi, hein? Vous voyez, c'est marqué en gros sur les affiches. Tentons d'obtenir une réponse avec un autre spécialiste de la stratégie du renseignement. Qui est donc l'ennemi? Il y a celui d'aujourd'hui, mais il y a aussi ceux de demain. Et c'était le but, de ces assises, de voir un petit peu quels pourraient être ceux de demain. Quoi. Voilà. Alors ça pourrait être qui? D'abord, ce seront les ennemis qui vont remplacer ceux d'aujourd'hui. Voilà, l'ennemi de demain sera donc celui qui remplace celui d'aujourd'hui. C'est des cadors, hein, je vous avais prévenu. James Bond à côté, c'est Louis la Brocante. Alors l'ennemi d'aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, puisqu'ils ont parlé que de ça ce matin, c'est donc Daesh, le fameux État islamique. Enfin, l'auto-proclamé État, parce que c'est eux qui se définissent comme ça. Et du coup, tout le monde reprend le terme. D'ailleurs, moi, si j'étais eux, j'aurais choisi un nom plus rigolo comme... Pipi caca prout, hein, juste pour entendre David Pujadas dire « Cet attentat terrible revendiqué par le groupe Pipi caca prout ». Bon, alors, est-ce que c'est un État ou pas? Demandons à un autre spécialiste du renseignement. C'est un État, c'est un proto-État, comme je ne sais pas qui l'a dit, c'est vrai, c'est un proto-État. Qu'est-ce que c'est un proto-État? Eh ben, c'est un État qui n'a pas les attributs d'un État de droit ou d'un État à l'intérieur de frontières reconnues. Donc c'est un proto-État. Oui, donc ce n'est pas un État du tout. C'est un proto-État. Mais mon club de pétanque, c'est un proto-État aussi. Non, arrêtons tout de suite, parce que là, je pense qu'on a des propos sérieux. Bah, tu vas voir quand mon club de pétanque va se radicaliser, mon pote, tu feras moins ton malin. Moi, j'ai plein de tireurs, hein, puis eux, ils remplacent le captagon par le pastif. Donc fais gaffe à tes miches. En tout cas, c'est donc l'islamisme radical, le nouvel ennemi. Il a remplacé qui, selon le même spécialiste ? Il a remplacé le communisme international. Voilà, dans ses buts et dans ses façons de procéder. Ceci étant dit, je soulignerai quand même que dans certaines manifestations, il y a des éco-terroristes aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il est intéressant de mettre sur le même plan le communisme, l'écologie et l'intégrisme religieux. Donc, comme j'ai pas envie de passer pour un terroriste, je tiens à rappeler à la DGSE que je ne suis ni écolo ni de gauche. Vous pouvez venir chez moi, j'ai mis un poster d'Emmanuel Macron qui sodomise un ouvrier de Florange dans un 4x4 diesel. Hein, moi, je plaisante pas avec ça. Il y a des militants écolos qui sont actuellement assignés à résidence à cause de l'état d'urgence. Qu'en pense cet autre expert ? L'état d'urgence, c'est quand même un état qui est prévu par l'état de droit. Donc on n'est pas complètement dans l'arbitraire. Et les quelques écologistes qui ont été assignés à résidence ne sont peut-être pas des plus pacifiques. Est-ce qu'il fabrique des bombes à partir de toilettes sèches, vous pensez ? Je ne sais pas. Il ne sait pas, mais moi je sais, c'est pire que ça. Les écolos, ils se gavent de boulgour afin de produire un maximum de méthane qu'ils stockent en grande quantité. Ils sont dangereux, au moins autant que les pays du Golfe avec qui on est copains, parce qu'ils ont du pognon, n'est-ce pas ? Quand on a de l'argent, on peut se permettre de faire beaucoup. Donc si vous voulez, si on achète, il y a nécessairement des contreparties. Même si ces pays ne sont pas très clairs avec le terrorisme ? Si vous voulez, le fait d'être clair ou de ne pas être clair, il ne m'appartient pas, en tout cas, surtout si c'est enregistré, de... On ne peut rien vous cacher, j'ai un micro. Ouais, mais, je suis devant. Il ne m'appartient pas de prendre position, je ne fais que constater. Mais oui, et nous aussi, on ne fait que constater. On constate que ceux à qui on achète le pétrole à prix d'or et ceux à qui on vend des armes sont aussi ceux qui financent le terrorisme. Mais comme on dit, les bons comptes font les bons ennemis. Merci Guillaume Meurice, merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Venantino Venantini, le dernier des tontons flingueurs, son autobiographie chez Michel Lafond, dont on va parler avec Juliette Arnaud. Mais on va essayer de traiter un sujet thème, de... Allez, vous allez en faire un petit thème, attention. La lecture des journaux italiens est, paraît-il, un bon moyen d'apprendre l'anglais, parce que la langue italienne est très perméable à l'anglais. L'académie là-bas lutte pour purifier la langue, parce que pour un peu, en lisant la presse, on se croirait transporté à New York. Fa l'americano, no. Americano, americano. Ma sei nato in Italia. Senta me chi don fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Renato Carosone, dans vos oreilles, Venantino Venantini. Voilà. Alors, vous confirmez vous avez vécu aux États-Unis, vous avez appris l'anglais, on va en parler tôt, de façon autodidacte. Il y a beaucoup d'anglais, de mots d'anglais dans l'italien. Non, ça me fait penser que c'est un petit retour au fascisme, presque. Ah. Parce que pendant le fascisme, Mussolini, c'était lei et c'était interdit. On devait dire vous, tu comprends déjà, on commence, il y a beaucoup de mots, mais c'est vrai, garage, c'était autorimessa, on payait, donc ils voulaient nettoyer un petit peu tous ces étrangérismes. Mussolini, c'est un peu le Jacques Toubon, pour que les gens s'y Il y a cette part de traumatisme du fascisme, parce que Mussolini avait voulu purger l'italien des mots anglais et français. C'est ça. Et donc cette histoire de chasser les anglicismes de l'italien, c'est un peu mal vu. Le cocktail, c'est-à-dire la coda del gallo, c'est pas possible. Maintenant, c'est l'Accademia della Crusca. Exactement. C'est une académie qui a été fondée à Florence en 1500. Dans la Renaissance, parce que c'est Florence qui a enseigné au monde beaucoup de choses, que vous plaisent ou pas. Eh oui. Florence, c'était votre prof ? C'est ça, en Toscane, c'est ça. Bravo, je suis d'accord avec toi. Après, je te vois dehors dans la. Allora, ci vediamo fuori per strada. Fai gaffe perché c'è il dernier flingueur. Il fa 1,88 m, lui. No, bref, non, veramente, la Crusca, c'è une grande académie, e qui tâche de repêcher un peu la beauté de la langue, mais en France aussi, je suis certain que. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Jacques Toubon, il flingue. Si vous pensez que. En France, alors là aussi, vous voulez forcément être. Sauver la langue française. Moi, je me souviens, dans les tennis, on dit des tas de mots qui sont anglais, mais qu'est-ce que vous dites tennis ? En français, comment vous dites ? Tennis. La palla con la racchetta, avec la palla qui va sous et sous, c'est pas mais possible. Ça vient d'un mot français, parce qu'au XVIIIe siècle, quand on jouait au jeu de paume, on disait « tenez la balle ». Et c'est les Anglais qui ont transformé le « tenez » en tennis. Yes. Et d'ailleurs, le football qui est né à Florence... Alors ça vient d'un mot latin, football. Méfiez-vous de Manoukian, Benantino. Moi, je ne connais pas Zolini personnellement. Wow. Ah. Alors ça, vous taisez tous. Ça, ça calme tout le monde. Parce que vous avez joué au foot avec Pasolini. Pasolini, c'était un grand joueur de foot. Un immense joueur de foot. Écoute, comme tous les petits étaient violents, tous les petits sont violents. Combien tu mets? Moi, je mesure 1m16. Oui, c'est ça. Non, non, il jouait très bien, vraiment. Il était vraiment, je crois. Donc, on faisait les parties du cuore. L'Italie, on faisait très souvent les matchs du cœur. Puis, comme Coluche faisait la bouffe pour les pauvres, nous faisions le foot. Alors, tous les comédiens italiens, Gassman, Tognazzi, Marcello pure, sì. Lui, moi, lui était plus peinard. Il était sur le banc. Non, non, pas beaucoup, lui. Il préférait les femmes au foot. Et donc, Pasolini? Pasolini, alors lui, alors, on faisait ses matchs. Alors, moi, j'ai fait des matchs avec lui à Naples. Et on a joué, là moi j'étais gardien but, lui jouait. Oh, ça y est, je vous vois en short. Quoi? Non, non, j'étais gardien but. Comme j'étais gras, on me tirait toujours bas, ça passait toujours. Et lui, je les prenais toutes. Bref. Alors, et lui, il était fou. Pourquoi tu n'étais pas de Pasolini tout d'un coup? Parce qu'il était sur le flanc droit, il a centré un moment. Oui, dans le match. Oh, c'est ça. Et une tête de Gazman. On est arrivé sur Pasolini, non, je ne sais plus comment. Non, non, tu n'as rien capito, rien, tu n'as rien compris. C'était pour le football du cœur. Non, le football du cœur. C'était une partie du cœur pour gagner de l'argent pour donner aux pauvres gens. C'était plein, plein, plein. Moi, j'aimerais organiser en France la même chose. Les comédiens français, je ne sais pas qui, ils sont tous morts, mais hier, il n'y en a plus personne. Il reste quelques si on va trouver. Ils sont vivants, ouais. Mais ça existe, hein, ça existe. Jacques Vendroux s'occupe du variété. Alors, disons, Vincent Landon, avec qui j'ai tourné, et écoutez, on va faire une équipe. Laurent Gérard, tout ça, tous les comédiens. Contre tous en short. Les coureurs des Formule 1 contre les danseurs. Ah oui, on peut faire sinon de la Formule 1. Oui. Ça, on a plein d'idées. Valentino, vous savez quoi? On va laisser la parole à Juliette Arnaud. Parce qu'elle a lu votre livre et elle en a fait une chronique. Une chronique? Écoutez. Alors, ce week-end, j'avais rendez-vous avec vous, monsieur Valentini. Je vous lisais. Voilà la bande-son de notre rendez-vous. Alors c'est la douce voix d'Ornella Vanoni qui chante l'appuntamento. Dans le livre de mémoire de Venantino Venantini, il nous parle de tout, il nous raconte sa drôle de vie, ses 50 drôles de vie. Alors on démarre dans l'Italie de Mussolini, comme vous l'avez dit, puis d'après-guerre, rien de bien gai, comme vous l'imaginez. Mais Venantino Venantini est un enfant, alors ça va, il s'agit pour aider sa famille, il pratique tous les métiers et quelques petits méfaits. Il pratique le trafic de cigarettes américaines, il est porteur d'eau des fontaines, il dessine des choses obscènes sur les murs de son école de curé, se fait attraper, il traduit l'anglais, il est mécène Boy à l'ambassade américaine, puis il poursuit sa formation de peintre à Paris où il aura l'heure d'obtenir quelques conseils de Braque en personne. Il fuguera à Tahiti, il restera un peu pour peindre et pour y rencontrer Marlon Brando. Il vivra dans l'appartement de Gloria Swanson à New York. Oui, Gloria Swanson, celle qui dit à la fin de Sunset Boulevard « All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up ». Il nous chante les louanges des regrettés Georges Lautner, Louis de Funès, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Pasolini, etc., etc. Toute sa vie. Toutes, vous dis-je, toutes, sauf ses amours. Pudeur d'un autre âge, tout à fait charmante, alors que nous parlons d'un séducteur né, hein, la belle gueule de Romain, plus de 100 films, des partenaires jeunes et belles. Après tout, le cinéma, est-ce que c'est pas l'art de faire des jolies choses à de jolies femmes, disait François Truffaut. Alors que le mec... C'est pour ça, donc. Voilà, alors que le mec a eu comme premier métier adolescent de traduire les lettres d'amour éplorées des Italiennes à leur GI. Alors quoi, ne me faites pas rigoler, Venantino, vous avez dû bien rigoler, justement. Mais pas taper, quoi? Je dis que vous avez dû bien rigoler, mais je n'insiste pas. Votre pudeur désuète d'un autre âge extrême est tout à votre honneur. Rien de Kardashian chez vous, c'est reposant. Une seule histoire d'amour brille, presque incongrue au milieu de tout ce silence. Rome. Rome, votre ville, plus que votre ville, votre grand amour. Merci, merci. En vous lisant, il nous semble avoir à nouveau rendez-vous avec Rome. L'amour de Rome auquel le livre revient toujours. Ses tours, ses détours, ses innombrables églises, les trattoria cachées, célèbres. Ses fontaines qui nous intiment l'ordre de tomber amoureux ou de mourir sur l'instant. On repense à Colin, de Boris Vian, dans l'écume des jours. Je voudrais être amoureux, tu voudrais être amoureux, il voudrait, idem, nous, vous, voudriez être. Il voudrait également tomber amoureux. Parce que oui, on ne tombe pas amoureux par l'opération du Saint-Esprit, ni enceinte d'ailleurs. Enfin, chi, il paraît. Mais il n'y a pas de preuve. N'en prenez pas, monsieur, n'en prenez pas offense, monsieur Venantini. Je ne suis pas italienne, je ne mets pas Dieu au milieu de tout et partout. Donc oui, il faut y mettre du sien. Partir à Rome après la lecture du livre de Venantino Venantini. Et si l'on ne peut pas partir à Rome, alors il faut revoir Audrey Redburn faire de la Vespa dans Vacances romaines et Nanni Moretti faire de la Vespa dans Journal intime et la Dolce Vita et le voleur de bicyclette. Je vous laisse, j'ai rendez-vous. Alors presto, portami a Roma, per favore. Vous êtes libre ce soir. Merci Juliette. Vous voulez le parmesan sous la pasta, sans parmesan. Oh, c'est d'Italie. Si, partons vite, vite. Que la vache, formidable, merci beaucoup. Vous me faites rougir, je suis très ému. Oui. On rigole, on blague, on déconne, mais parce que comme une famille, vous êtes tous mes fils. Merci Benadou. Donc vous voulez coucher avec votre fille. Bien. Ça tombe bien d'aller faire un sujet sur Woody Allen. Woody Allen, c'est ça, oui. Oh là là. On n'est pas des Woody, hein. Allen, Woody. On n'est pas des Woody. Allez. Bravo. Venantino, Venantini. Et c'est vrai que dans votre livre, Le dernier des tontons flingueurs, édition Michel Lafond, c'est en faisant visiter Rome à Colette, une jeune Belge, que voilà, c'est votre premier amour. Et vous l'avez suivi. Je raconte un peu, parce que si vous commencez, on en a jusqu'à 18h. Oui. Non, très peu de moi, alors c'est ça. Donc, non, on était là, on allait là juste pour draguer. Et je vois ces filles extraordinaires. C'est un petit peu les prototypes, le type de femme que j'ai toujours aimé. C'était brune, c'était noire. Bon, ben, elle était belle, elle était libre. Je sortais avec, mais comme je suis un gentleman, je ne dis jamais ce détail à vous deviner. Eh oui. Et c'est vrai que dans le livre, c'est suggéré. Alors que qu'est-ce que vous avez dû emballer, hein, Venantino ? Qu'est-ce qu'il faut dire encore ? On a quelque chose à vous proposer, Venantino. Quoi ? Est-ce que vous acceptez de jouer dans un sketch ? Dans un sketch maintenant ? Maintenant. Est-ce que vous avez des lunettes pour Lire. Oui. Parce qu'à la fin de l'émission, tous les jours, on donne à l'invité un sketch qui n'est pas préparé. Et on vous donne un rôle, et si vous l'acceptez, vous êtes... Combien on me donne ? Ah bah, regardez ça. Ça, c'est les Italiens. Alors, bah, on vous donne Juliette Arnaud. Non. On n'est pas vénal. Mais non. Vous me donnez un jambon payé à nature. Je vous donne deux compagnes pour ce sketch. Des filles. Des filles. Nous, Valentino. Elle. Et Juliette, car vous alors, êtes... CV, ça vous dit quoi ? Chevo ? Ça, c'est vous. CV. VV, c'est vous. Non, CV. Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Charlie. Vous êtes en vert. C'est des chevaux, comme pour les voitures, des chevaux. Vous êtes en vert. Oh, nous, oui. Et donc, je vous explique l'idée. Vous êtes Silvio Berlusconi. On peut essayer ? Écoutez. Alors, vous êtes Silvio Berlusconi parce qu'il a été puni il y a un an. Il a dû aller s'occuper de personnes âgées dans une maison de retraite. Et Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud sont les pensionnaires. On y va. Bonjour, la fille. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Monsieur, je suis un monsieur. Bien, madame. Vous vous appelez comment ? Appelez-moi Matteo Reggi. Matteo Reggi. C'est joli. Vous êtes un petit peu mon genre, Matteo. Dites-le même. Vous n'aurez pas des enfants, des bambini, non ? Bien sûr, madame. Mais vous n'aurez pas des petits enfants ? Mais bien sûr, madame. Non, mais elle veut dire bien sûr, monsieur. Mais des petits-enfants de sexe vaginal. Oh oui, du sexe. Oh, calmez-vous, ouais, tranquille. Je vais savoir si vous avez des petites filles. Moi, j'ai une petite fille. Quel âge a la petite fille ? Hein ? Non, le monsieur te demande quel âge a ta petite fille. Un monsieur ? Où ça ? Dites-lui qui a passé 18 ans, ça m'intéresse pas, c'est tous des vieillards, sont tous des vieillards. Ah oui, je vois, ça c'est pour vos soirées banga-banga, là. Du banga ? Où ça, j'ai soif ? Mamma mia, bon alors, quel âge a la petite fille ? Vai, dis-moi. J'ai 19 ans, madame, et vous me plaisez beaucoup. Calme-toi, mamie gaga, c'est ta petite fille qui intéresse monsieur. Oh, elle va pas très bien, votre copine. Non, mais ça, c'est à cause de monsieur Zimmer, ça. Ah, vous avez une photo de votre petite fille. Donnez-moi d'abord du banga. Non, mais, au fait, dites-moi, que devient la petite Ruby ? Oh, le Ruby, j'adore ça. Les mêlées, les plaquages, le haka, tout ça. Oh, vous avez raison. Elle débloque. Non, mais vous évitez la question. Que devient la petite Ruby ? En parlant de Ruby, vous avez appris pour Jonah Lobo ? Je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne vois pas. Des infirmières ? Pour nous ? Mais c'est bon. Vous qui avez besoin d'infirmières avec votre lifting et vos implants capillaires. Mais, Elles sont mignonnes, hein. Ah oui, on vous plaît. On vous intéresse plus que nos petites filles et nos infirmières. Oh, si on m'avait dit qu'un jour je me taperais une vieille. Et alors nous qui pensions que c'est vous qui alliez sauter une ligne, non, c'est Juliette Armanet qui a sauté une ligne, et voilà, voilà bien sûr. Valentino Berlusconi, vous imaginiez faire un jour Berlusconi? Berlusconi, Berlusconi, il est nain, les nains, j'aime pas les nains, ils sont agressifs. Non, Berlusconi, non, non, non, vraiment c'est un mec que je n'ai jamais aimé, vraiment, non. Mais c'est l'image de l'italien, un peu pour non, les gens qui ne sont pas. Écoute, non, l'image de l'italien, c'est Valentino. Les italiens sont, c'est une bande des imbéciles, la majorité. Je m'excuse de le dire. C'est triste. Mais ne vous excusez pas, surtout. C'est ce qu'on dit tous les jours. Ils se sont fait berluer par ces mecs pendant 20 ans. Tu te rends compte, ils pouvaient vraiment changer les pays. C'est pas nous, ça arriverait, nous, on a Sarkozy. Nous, on a Sarkozy, nous. Non, on avait Guillaume, on avait. Mais c'était ami, ils dormaient ensemble. Oui, bah oui, c'était ami. Venantino, Venantinis, oui. Quel plaisir ça a été de vous avoir avec nous. C'est déjà fini. C'était familial, c'était beau, c'était amical, c'était formidable, on était ravis, très honorés. Je rappelle le titre de votre livre, Le dernier des tontons flingueurs, aux éditions Michel Lafon. Votre vie est rocambolesque, vraiment il se passe des choses tout le temps. On rappelle aussi que vous êtes avant tout peintre, avant d'être acteur, et que l'exposition de vos toiles est en ce moment à la mairie du 9e arrondissement de Paris, et c'est jusqu'à demain, donc il faut en profiter pour aller voir vos toiles qui sont dans mélange le ocre et le bleu du ciel de Rome. Oui. Il y a même des photos dans votre livre. Des fresques, oui. Des fresques anciennes. Avec un aspect vaginal, toujours. Ça, évidemment. Oui. C'est l'inspiration. Comme dessert. On vous verra aussi dans le prochain Claude Lelouch et dans le prochain Cadmeran. Merci, Valentino. Je vous embrasse. Merci, je suis ravi. Je suis très belle. Merci. Et continuez comme ça. Merci. Aimez-vous, haïssez-vous. Et baisez, parce qu'il y a battu. Bon, ben voilà, je crois que c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, il n'y a pas besoin de plus.